contre elle. Tu étais là avec moi, je regardais tes jambes. Et toi, les messages qui s'alignaient sur cet écran. Des fois, je t'entendais sourire. Tu ne me parlais pas. J'avais ton corps, mais ton esprit n'était pas là. Ça a duré des heures. Ça a duré des heures. La télé tournait. Pas. Il n'y avait que toi qui me donnait un peu de plaisir. Te voir à défaut de te toucher, te caresser, t'embrasser. J'aurais sûrement voulu captiver ton esprit, ton âme. Mais j'ai bien vu que tu n'étais pas dans le présent. Que le soi-disant un jour venant, le peut-être plus tard, le plus tard peut-être. Pas l'instant, l'instant présent là maintenant, là maintenant, non, là maintenant. Te caresser.